Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, le tantrisme. On sait que depuis plusieurs décennies aujourd'hui, le tantrisme a connu une grande fortune en Occident, mais un tantrisme dont on peut dire qu'il est très largement fantasmé et où particulièrement on s'est intéressé à ce qu'on appelle le tantrisme de la voie gauche, c'est-à-dire au tantrisme sexuel. Or, en réalité, il y a différentes sortes de tantrisme, le tantrisme qui est surgi de l'Inde, mais qui s'est répandu hors de ses frontières, et particulièrement à l'intérieur du bouddhisme, dans le tantrisme bouddhique. Or, aujourd'hui, nous voudrions effectivement comprendre ce que représente réellement le tantrisme, et nous allons nous focaliser surtout sur ce tantrisme bouddhique, qui s'exprime dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le Vajrayana, c'est-à-dire le véhicule de diamant, qui marque tout spécialement le tantrisme tibétain. Pour nous introduire ainsi à ce tantrisme bouddhique, nous aurons avec nous Fabrice Midal, enseignant à l'université de Paris 8, qui pendant de longues années aussi a dispensé son enseignement à l'université bouddhique européenne, et qui vient de publier chez Fayard un livre d'introduction au tantrisme bouddhique, qu'il sous-titre d'ailleurs « L'incandescence de l'amour », étant entendu que cet amour est une sorte d'amour universel qui n'est pas forcément ce que nous entendons en Occident par amour, mais qui, à certains points de vue, est assez proche, sans aucun doute, de ce que on peut appeler l'amour christique. Donc, après la rencontre que nous avons eue avec Alain Croret, qui essayait de nous dresser un tableau général du bouddhisme, nous voudrions là nous centrer sur l'une de ces variantes particulières, mais une variante qui connaît beaucoup de subdivisions à son intérieur. Et avec Fabrice Midal, nous allons essayer d'entendre quel est le cœur même, si je peux dire, le cœur incandescent de ce tantrisme tibétain. D'abord, on confond complètement le tantrisme au sens hindou du tantrisme au sens bouddhiste, et il va falloir qu'on fasse la distinction. Et puis, tantrisme égale, en gros, on va pouvoir se libérer sexuellement. Dans le post-discours hippie 68A. Et le tantra, en tout cas, comme je l'ai pratiqué, je l'ai reçu, et comment je l'enseigne, n'a absolument rien à voir avec cela. Distinguons le tantra bouddhiste du tantra hindou. C'est tout à fait difficile à faire, je ne sais pas comment on peut faire, parce que les historiens, les textes, on n'arrive pas à savoir lequel des deux est le premier. Par certains côtés, il semblerait logique de dire que le tantra bouddhiste vient du tantra hindou, puisque l'hindouisme ou la tradition est plus ancienne que le bouddhisme, mais les tantras bouddhistes qu'on possède, sont beaucoup plus anciens que les tantras hindous. Donc, le tantra bouddhiste semblerait plus ancien. Donc, on ne sait pas vraiment. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait plus quand on veut essayer d'appliquer nos outils d'occidentaux quant à cette tradition. Et peut-être, c'est une manière dont elle a de se préserver de notre appétit de tout mettre en case. Mais en tout cas, il se distingue profondément. Le tantra bouddhiste prend sens au sein de l'ensemble du bouddhisme. Le tantra bouddhiste se développe sur la base de la distinction qui a été inventée par les Tibétains qui recoupe aucune réalité historique réelle, mais qui a été inventée, entre Hinayana, Mahayana et puis Tantra. Le petit véhicule, c'est pour commencer sur le chemin, il importe de développer de la renonciation pour ne pas suivre tous les appétits que nous avons, mais commencer doucement à regarder avec attention notre esprit, nos émotions, et voir là où c'est solide et là où on est en plein fantasme. Donc doucement, regarder précisément la voie de la méditation, la voie de la discipline, la voie du renoncement, voilà le petit véhicule. À partir de là, une fois qu'on a cheminé, peut venir le chemin du Mahayana. On peut, à partir de cette discipline, commencer à avoir plus confiance dans l'expérience telle qu'elle est et ouvrir à une plus grande chaleur, à laisser irradier un sens de compassion plus vaste, plus ample, plus libre, qui est inséparable d'une connaissance. Alors nous, on a beaucoup de mal, dès qu'on parle de compassion, on est complètement perdu, parce qu'on a l'impression que c'est une question de sentimentalité ou de devoir moral, alors que pour la tradition du Mahayana, du grand véhicule, la compassion, c'est l'explosion spontanée et libre à partir de ce qui est, c'est-à-dire la radiation de l'espace enfin reconnu quand nous ne cherchons plus à nous l'approprier. Donc c'est la compréhension la plus radicale du non-ego comme manifestation libre de sagesse et de chaleur. Sur cette base-là, alors vient le tantra comme radicalisation du geste du Bouddha. Le tantra, c'est d'abord la conviction qu'il faut abandonner le plus vite possible toute trace de dualité si l'on veut s'ouvrir véritablement au sans limite. Toute trace de dualité entre des points de repère comme le bien, le mal, ça c'est juste, ça c'est pas juste, qui sont tout à fait relatifs au bout d'un moment et qui empêchent de vraiment explorer la réalité de ce qui est. Alors de ce point de vue-là, c'est fascinant quand on regarde le tantra à partir de la pensée occidentale. Et quand on lit, par exemple, la critique de Nietzsche de la morale, d'un côté, on se dit, il y a un aspect, même si c'est un peu anachronique ce que je vais dire, mais un côté tantrique, un côté mystique chez Nietzsche de ce point de vue-là. Parce qu'on voit bien que ce qui l'anime dans sa dénonciation de la morale, c'est qu'elle restreint le monde. C'est pas qu'il veut qu'on soit immoral, c'est qu'il veut qu'il voit bien que la morale étouffe la vie. Elle éteint la vie. Elle est une justification de la médiocrité. Et de ce point de vue-là, il rejoint l'analyse du tantra. Le tantra met en question les conventions dans lesquelles nous vivons parce qu'elles restreignent incroyablement l'existence. Donc le tantra, c'est faire confiance dans la démesure ou dans ce qui est le sous-titre du livre, ce que j'ai nommé l'incandescence de l'amour. Parce qu'on saute dans le brasier, on saute dans ce qui brûle sans précaution. Il y a un moment où on ne peut plus toujours se préparer à. Du reste, quand on essaye d'écouter ce que veut dire sauter, on voit bien, sauter, vous ne pouvez pas vous préparer à sauter. À un moment, il faut que vous sautiez pour de bon. Et bien, le tantra, c'est ça. C'est est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut sauter dans l'amour? Est-ce qu'on peut sauter dans la vie? Est-ce qu'on peut sauter dans ce qui est, au lieu de toujours d'être effrayé partout? Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est ça la grande confusion qu'il y a aujourd'hui sur le tantra. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Au contraire, l'exigence est encore plus grande. On ne peut encore moins tricher. On peut encore moins se cacher. Vous pouvez très bien faire semblant d'être gentil, ouvert et prendre soin des autres. On peut jouer encore un petit peu cette attitude bienveillante. Mais le tantra, vous ne pouvez plus jouer. C'est l'immédiateté brûlante du réel. Se confronter au réel et le laisser venir à vous dans sa surprise qui vient à chaque instant vous réveiller. Thank you. le tantra, c'est d'essayer de nous faire voir le monde d'un autre point de vue que le point de vue un peu mesquin, médiocre, auquel nous nous sommes habitués. C'est ça, c'est extraordinaire. C'est, vous êtes dans un monde d'une splendeur inouïe. Et alors, c'est pas qu'une bonne nouvelle. Devant la splendeur, on est un peu terrifié. C'est tout à fait surprenant. Quand on parle concrètement de ce qui se passe, quand on vous montre la splendeur, mais on est, vous êtes, c'est une manière de faire, d'étouffer l'ego de manière aussi radicale que n'importe quelle autre voie. Parce que d'un seul coup, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes inondé de splendeur. Et le tantra, c'est être inondé de splendeur. C'est ça qu'est un mandala. Un mandala, c'est un monde d'une splendeur. Tous les détails sont d'une sorte de perfection entre la couleur, la lumière, l'espace, une organisation. Vous ne pouvez, il n'y a plus de place pour la moindre hypocrisie, tant le monde est splendide. Vous êtes servi de mots auxquels nous ne sommes pas habitués, Fabrice Midal, puisque, si j'ai bien entendu, vous avez parlé de démesure, vous avez parlé de brûlure, vous avez parlé d'une sorte de puissance supérieure de l'amour, même si j'entends bien que le mot amour n'est pas dans le même sens que nous en usons d'habitude ici. Et j'aimerais vous expliquer dessus, dans la mesure où, là aussi, il est généralement répandu que le bouddhisme, justement, c'est ce qui répudie toutes ces notions, c'est ce qui est au-delà de toutes ces notions, et comme si pour vous, au contraire, à partir du moment où on arrive devant le réel, il y a une démesure du réel, et il y a une démesure de la beauté intrinsèque, il y a une démesure du grand inconnu, en quelque sorte. C'est très juste, et peut-être pour essayer de vous répondre, je vais faire un détour. On a cette idée vraiment répandue partout. Le bouddhisme, c'est abandonner le désir et devenir une sorte de limace ou de grenouille. Elle est très contente, mais il ne se passe pas grand-chose. Vous regardez n'importe quelle représentation du tantrique, n'importe quelle représentation d'une déité dans le bouddhisme tibétain, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un déploiement de couleurs le plus vives, des personnages nus, colorés, avec des têtes de... des têtes de cheval, des têtes de chevaux, des têtes de divers animaux, entourées de flammes, assis ou debout sur un lotus avec un cadavre sur lequel ils sont assis. Donc on voit bien qu'on a une image d'une violence, d'une force, d'une radicalité. On peut vraiment parler ici de démesure. Il y a quelque chose comme un sursaut et un saut. Pourquoi les flammes ? Parce que dans la radicalité propre au tantra, il s'agit de brûler toute confusion. D'un point de vue très concret, la colère, nous n'avons pas à y travailler avec des moyens psychologiques, nous n'avons pas à essayer de l'amoindrir, mais elle peut devenir, si nous savons la travailler avec elle d'un point de vue tantrique, devenir l'espace même de libération. Mais la colère, la jalousie, l'attachement... Tout peut devenir l'espace d'accomplissement de la vérité. Au fond, le geste du Bouddha depuis le début, quand il parle des quatre nobles vérités, il insiste sur le fait que nous souffrons, et si nous voulons nous libérer de la souffrance, il faut la regarder telle qu'elle est. Sa première noble vérité, la première vérité que dit le Bouddha, c'est « nous souffrons ». Le tantra radicalise ce point-là. Nous souffrons, et il faut entrer en rapport à la souffrance sans se cacher, sans faire semblant, c'est le lieu de l'authenticité. Nous ne pouvons pas vivre ailleurs que dans cet état-là de confusion. Quand on reprend le symbolisme du mandala, le mandala dans cette beauté extraordinaire repose pourtant sur un charnier. On emploie ce mot-là. Alors, charnier, c'est que dans le monde indien, il y avait à la lisière des villages des endroits où on faisait brûler les cadavres, où vivaient les animaux sauvages, et aussi les pauvres vivaient, et aussi, de temps en temps, certaines femmes donnaient naissance à leurs enfants. Donc c'est l'endroit de la vie et de la mort, c'est l'endroit le plus cru qu'il soit. Et c'est là le mandala. Et autour du mandala, si on fait attention, maintenant vous regarderez, et dessinez légèrement le charnier. Donc le seul lieu où on peut habiter, nous dit le Tantra, c'est notre confusion. Parce que c'est le lieu d'authenticité. Vous pouvez encore, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez très bien jouer le jeu du personnage savant, du professeur d'université, du maître spirituel, du gourou. Vous avez la robe et puis vous récitez vos machins. C'est très facile d'impressionner tout le monde. Mais si on veut rentrer au cœur de ce que c'est le chemin, il y a un moment, il faut arrêter de raconter des histoires. Vous êtes obligé de vous confronter à ce qui vous fait le plus peur. Vous êtes obligé de vous confronter à la vérité de votre existence, d'arrêter de tricher. Et le chemin des tantricas, de ceux qui ont suivi le chemin du tantra, c'est qu'ils ont été confrontés à leur propre vie. Il y a un livre qui nous retrace la vie de 84 grands, on appelle ça les Mahasiddhas, qui sont des pratiquants du tantra, et il y a tout. Alors, quelqu'un, il avait peur de certaines choses, et bien donc sa pratique, ça va être de se confronter à sa peur. Il y a aussi, dans ces 84 personnalités, tout, aussi bien des rois que des mendiants, des femmes, des prostituées, des souveraines, des femmes magnifiques, des bouchers, absolument une indifférence complète à nos classifications sociales, morales. N'importe où, n'importe qui peut atteindre la réalisation la plus haute, là où il est, quels que soient ses penchants, quels que soient ses désirs. Rien ne peut nous prémunir de faire le chemin. Mais tout est un espace possible de transformation. Et vous comprenez pourquoi il faut parler ici de feu. C'est un chemin dans lequel vous êtes invité à vous manifester comme celui-là que vous êtes. Les histoires des maîtres du tantra sont très étranges de ce point de vue-là. Une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire entre Naropa et son maître Tilopa. Naropa était un professeur d'université qui était très savant, reconnu par tout le monde. Et puis, un jour, il voit une femme horrible arriver. Et elle lui demande, est-ce que tu arrives à lire les mots des sutras du Bouddha? Alors, Naropa dit, ben oui, je peux les lire. Elle est très heureuse, elle lui dit, bravo. Et est-ce que tu en comprends aussi le sens? Alors, voulant la rendre encore plus heureuse, il lui dit, ah oui, bien sûr. Et là, elle s'énerve, elle le frappe avec son bâton. Elle dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ben, quand tu m'as répondu à la première question, tu as dit la vérité. Mais maintenant, là, tu mens. Tu n'as aucune compréhension du sens des mots, des paroles du Bouddha. Et si tu veux comprendre le sens, il faut que tu rencontres un véritable maître, quelqu'un qui touche ton cœur pour de vrai. Alors, Naropa, il est saisi. Et il part en chemin. Vous savez, on dit que dans les textes, on dit la vieille femme, c'est la vacuité. Moi, j'aime beaucoup rappeler ça, parce que nous, en Occident, la vacuité, alors on vous fait catégorie 1, catégorie 2, c'est le néant. Non, la vacuité, c'est une vieille femme qui vient vous surprendre et vous dire que vous êtes en train de déconner. Ça, c'est la vacuité, parce que ça vous bousille tous vos points de repère. C'est ça, la vacuité. C'est « Ah !» Vous savez plus. C'est la désorientation, mais salvatrice, qui vous ramène au bon endroit. Donc il va voir, il cherche Tilopa, et il se retrouve un jour dans un monastère, et il voit un type qui est en train de cuire des poissons. Il se dit, mais comment quelqu'un peut cuire des poissons? C'est un acte sacrilège, on ne doit pas tuer d'animaux. Dans un monastère, personne ne bouge. À ce moment-là, le type prend les poissons, qu'il a cuits, les prend, les met dans l'eau, et les poissons revivent. Alors il se dit, mais peut-être c'est-il au pas. Et il entend une voix, « Oui, tu as raison, oui, tu as raison. » Et quelques minutes passent, et il se dit, « Mais non, j'en train de délirer, là. Ce type est un... Je suis victime d'une hallucination, c'est un charlatan. » Et il entend une voix, « Oui, je suis un charlatan, oui, je suis un charlatan. » Et ce que raconte l'histoire, c'est cette désorganisation constante. C'est, dès qu'il veut le saisir, ça échoue. Il va quand même avoir confiance et suivre Tilopa, et ça va être son chemin. Mais je crois qu'on commence à voir comment la vie de quelqu'un qui suit le tantra, c'est quelque chose qui nous échappe. Et je suis obligé, pour vous en parler, commencer à vous raconter des histoires. Commencer à vous parler des images du tantra. Parce qu'il faut commencer à parler la langue du tantra. Et le tantra parle une langue tout à fait singulière, qui est la langue de la poésie. Et le tantra, c'est ça qu'il faudrait que je réussisse à dire, le tantra, c'est le plus ultime et c'est le plus simple. Pourquoi c'est ce chemin-là qui m'a saisi? Parce qu'il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple que de faire confiance à la magie du symbolisme. Car au fond, ce que je voulais dire derrière poésie, art, couleur, c'est que c'est le monde symbolique. Le tantra parle la langue du symbolisme. Alors évidemment, le mot symbolique, on ne comprend plus non plus, parce qu'on se dit symbolisme, on va dire, ah, s'il y a le mot rouge, on va regarder dans le dictionnaire des symboles, ça veut dire telle chose, on va appliquer toujours avec son petit dictionnaire. Non. Le symbolisme, c'est un monde de résonance auquel il faut apprendre à s'habituer. Et le tantra essaye de nous faire entrer dans un monde de résonance qu'on pourrait aussi dire un monde magique, si on arrivait à l'entendre comme il faut. C'est un monde magique, poétique, qui est une pure résonance. Quand Matisse dit « la couleur remue le fond sensuel de l'homme », il dit quelque chose, comment il y a une immédiateté qui est pourtant pleine de sens, c'est un peu le paradoxe, immédiateté pleine de sens, de l'ensemble du monde sensible. Ce qui est frappant avec le tantra, c'est qu'il y a des maîtres qui ont vécu dans notre temps qui ont des vies aussi folles que celles de Tilopa ou Naropa. Et évidemment, je pense à Shogam Trungpa qui m'a tant marqué, sans qui j'aurais jamais pu écrire ce livre. Mais la vie de Shogam Trungpa, elle est aussi étrange que la vie de Naropa ou de Tilopa. Il arrive en Angleterre, après avoir fui le Tibet après l'invasion chinoise, il arrive en Angleterre et il hésite. Comment on peut transmettre le bouddhisme? Et pour lui, c'est très clair. Si on ne présente pas le tantra, on va se retrouver dans 20 ans avec une entreprise de transmission de la méditation. Et il n'est pas venu en Occident, il n'a pas fui le Tibet. Les pratiquants de cette tradition n'ont pas fait tant d'efforts depuis tant de siècles pour fonder des entreprises de méditation. Donc ça, il sent que ce n'est pas par là qu'il faut aller. Il sent qu'il faut transmettre le tantra, c'est-à-dire qu'il faut que ça brûle. Il faut qu'on transmette la flamme qui est seule à même de nous transformer radicalement, entièrement. Il ne s'agit pas de mettre un peu de maquillage dans nos vies, il s'agit de complètement tout transformer. Donc il sent qu'il faudrait faire ça, mais comment faire pour que ce soit juste? C'est le plus difficile. Et là, qu'est-ce qui lui arrive? Il a un accident de voiture. Il dit, c'est la seule fois de ma vie où j'ai hésité. Accident de voiture, il rentre dans un magasin de farce et attrape. Et là, on peut dire, oui, c'est une histoire mythique, mais c'est arrivé, c'était à la fin des années 60. Il est paralysé, il est dans le coma, il restera paralysé une partie de sa vie, et il dit, c'est le plus grand enseignement que j'ai reçu. Et effectivement, à partir de là, il prend le courage d'essayer de présenter cette démesure. Et sa vie est entièrement pure des mesures. C'est-à-dire qu'il ne fait, pas du tout attention aux conventions. Ne pas faire attention aux conventions, c'est pas du tout une attitude je m'en foutiste. C'est être animé par une compassion beaucoup plus radicale. Que vous n'ayez pas peur de passer pour un idiot ou un salaud, Vous avez pas peur, tant pis si les gens pensent ça, mais au moins vous avez agi de la manière la plus juste par rapport à la situation. Et le critère dans le tantra, c'est que vous obéissez absolument au réel. Vous ne pouvez pas... Le réel a toujours raison. Donc c'est une... Et on voit bien, il a l'accident de voiture, c'est un message, il l'entend. C'est pas un message... C'est un message en tant que ça parle, en tant que le réel ne cesse de parler dans ce qu'il dit. Mais est-ce que je vous choquerais beaucoup, Fabrice Midal, en vous disant que, au fur et à mesure que je vous écoute, j'ai qui s'impose à moi la figure du, si je me rappelle bien, c'était le 7e Dalai Lama, dont on sait qu'il a eu une vie qui a été considérée par beaucoup de ses contemporains comme plus ou moins dissolue, qui allait à la taverne, qui allait voir les prostituées, etc., et qui pourtant se présentait comme un être totalement réalisé. Et en même temps, moi, ça me fait penser, justement, dans une toute autre tradition, à quelqu'un comme Rafès de Shiraz, qui, pour chanter les louanges du Dieu au-delà de tout, ce que nous appelons Dieu par convention, mais ce qui est l'inconnu ou l'inconnaissable suprême, justement, là aussi, se sert précisément du thème de l'ivresse, du thème de l'amour sexuel, en fin de compte, qui désigne cette étreinte brûlante, en quelque sorte, avec le réel. Et j'ai l'impression que le tantra est quelque part dans ces contrées-là, dans ces contrées dans lesquelles, je dirais, nous sommes au-delà du sensible, au-delà de l'intelligible, effectivement, au-delà de cette dualité, et dans un royaume où c'est beaucoup plus, je dirais, la création ou la découverte d'un monde qui existe en soi et qui aurait à voir avec ce que, traditionnellement, on appelle l'imagination créatrice. Ce Dalai Lama était un adepte du tantra, donc c'est tout à fait juste, et vous avez raison de souligner que dans toutes les traditions, on trouve des fous de Dieu, des gens qui ont bousculé l'institution pour la sauvegarder. On pourrait dire que d'une certaine manière, beaucoup de saints en Occident, puis après toute la tradition des fous de Dieu, dans le christianisme et au sein de l'islam, c'est eux qui, au moment, sauvent l'institution. Il y a une sorte de loi malheureusement terrible que toute institution finit par tuer ce qu'elle voudrait transmettre. Et ces témoins-là, au fond, c'est les seuls qui sont pas... Ces fous sont les seuls qui sont pas fous. C'est les seuls qui viennent nous rappeler que nous sommes faits pour quelque chose d'infiniment plus grand, que ce qui nous est demandé, c'est d'aimer absolument, de manière d'abandonner ce narcissisme qui, au fond, ne nous réussit pas. On voudrait que l'amour soit une appropriation de l'autre, mais on voit bien que ça marche pas. Donc autant s'abandonner à l'amour sans limite. Parce que du reste, c'est frappant. Rilke ne cesse de le souligner, de traduire le texte qu'il trouve peut-être de Bérulle sur le serment à la Madeleine, parce que d'un seul coup, ça parle de cet amour fou qui ne cherche pas à s'approprier. Donc on peut dire que partout quelque chose est vivant, il y a quelque chose à mettre en parallèle avec le tantra. Quelque chose qui nous invite à ne pas filtrer l'immensité qui réside en nous. Et la manière de le faire, je crois que vous avez mis le point sur quelque chose de décisif, la manière de le faire, c'est par ce qu'on a appelé l'imagination créatrice, c'est-à-dire une imagination qui n'est pas la folle du logis qui délire, mais une imagination voyante, une manière de faire confiance à une intuition, d'être dans un autre rapport au monde que le rapport étroit. Si on reprend l'exemple de la musique, si vous écoutez un morceau de musique, vous n'allez pas être faire savant en disant « oui, là, il y a telle note et telle influence », mais vous écoutez, si vous écoutez, vous laissez résonner, vous approchez quelque chose déjà de l'imagination créatrice. Vous commencez à approcher du monde imaginal, de ce qu'on appelle aussi dans le tantra le Sambhogakaya, de ce monde de radiation qui est parlant, qui parle et qui invite à des images, qui invite à une résonance. Donc vous avez raison d'articuler ces divers éléments. Quant à la question de la sexualité, elle est extrêmement difficile parce que, en étant un peu provocateur, le tantra n'en a rien à faire de la sexualité en tant que telle. Ce qui compte, c'est l'union avec le monde, c'est l'union, et la sexualité est à la fois un symbole et à la fois un espace de réalisation. Au début, les spécialistes du tantra disaient il n'y a pas de pratique sexuelle dans le tantra, puisque, bien sûr, on voit toujours ces images d'une déité masculine et féminine en union, mais c'est un symbole de l'union de l'espace et de la compassion. Mais en même temps, on se rend compte que bon, il y a des réelles pratiques sexuelles dans le tantra, mais au fond, ce n'est pas important. Elles sont là pour aider à réaliser cette unité. Donc oui, il y a bien sûr au cœur du tantra l'idée de se réunifier, de réunifier le monde, de se réunifier avec le monde. Et la sexualité, mais c'est très difficile, et très peu de gens sont à même de pouvoir faire ces pratiques, par la sexualité, vous pouvez faire cette expérience-là dans laquelle votre partenaire devient le représentant du monde. Et faire l'amour à son ou à sa partenaire devient une manière de faire confiance au monde. À ce moment-là, la partenaire ou le partenaire, chacun de ses gestes, chacun de ses mouvements est le réel tel qu'il se déploie. Et vous avez à le célébrer sans, en vous y abandonnant complètement. Et ça peut commencer à devenir un espace de réalisation. Ce qui est le plus important, évidemment, c'est l'ardeur du désir en tant qu'il nous pousse à célébrer le monde, à rentrer vraiment en union avec le monde. Là, on peut avoir le désir complètement égocentrique, ça c'est tout à fait pas de chance, et puis il y a ce désir qui vous pousse en avant. Et qu'est-ce que fait le désir? Pourquoi le désir brûle? Qu'est-ce qui brûle? Ben, il brûle l'ego. C'est ça qui est absolument surprenant. Ça, c'est vrai que c'est ce que dit le tantra, et vous avez raison de souligner que d'autres traditions l'ont vu. Ben, le désir, quand on le laisse brûler, ben, il brûle l'attachement, l'égocentrisme, les petits recroquevillements, est-ce que je suis bien reconnu, tout le gna-gna-gna, il tombe devant la splendeur du désir qui vous pousse en avant, qui vous pousse en avant et vous inonde en même temps, d'une sorte de grâce. D'une certaine manière, Fabrice Midal, est-ce qu'on ne touche pas là, je dirais, à ce qui est véritablement la fonction symbolique? Je veux dire par là que le symbole, tel qu'on le comprend dans le grec ancien, non seulement c'est remettre ensemble, symbolein, mais c'est d'abord rencontrer. Et est-ce que ce n'est pas la rencontre, précisément, des différents plans dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire à la fois le plan du sensible, de la réalité matérielle, et lorsque vous parliez de la sexualité, je l'entendais bien, et en même temps, le plan de l'être ou du non-être inconnu, et éventuellement le plan intermédiaire qui permet d'avoir un pied dans chaque. C'est-à-dire qu'on ne nie pas la réalité au nom du réel, comme on ne nie pas le réel au nom de la réalité. Et c'est central, c'est au fond ce monde intermédiaire, ce monde poétique ou symbolique, c'est le monde intermédiaire. C'est comme ça du reste qu'il est nommé dans le tantra. Le tantra, c'est d'abord faire confiance au monde intermédiaire. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu de transmutation. C'est le lieu où le corps se spiritualise, où l'esprit se corporéifie. Encore une fois, toutes les analogies alchimiques ont des échos. C'est absolument central, parce qu'on est coincé, nous, dans ce... C'est central pour nous, là je parle surtout pour nous, on est tellement coincé dans ce dualisme... corps-esprit, et dès que les gens entendent spiritualité, ça veut dire on va quitter le monde matériel et on va s'élever. Ah ben, là, le tantra montre que non. Il s'agit d'entrer dans ce monde intermédiaire dans lequel on ne s'élève pas, mais au contraire, on célèbre le monde matériel. On pourrait dire qu'il n'y a pas plus matérialiste que le tantra. Il n'y a pas plus spirituel, mais il n'y a pas plus matérialiste en même temps que le tantra, parce que chaque détail compte. Dans le tantra, la manière dont vous vous habillez devient absolument symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire mettre un vêtement? On pense que ça n'a aucune importance. Parce que nous, on est beaucoup plus entre guillemets spirituel que la vraie authentique spiritualité. Nous, on croit que ça n'a aucune importance, que le monde matériel c'est pas grave, qu'on la mère dont on s'habille n'a pas d'importance. Mais la mère dont on s'habille peut être une manière étonnante de nous placer dans notre corps, d'avoir rapport à notre corps. La mère dont on s'habille chaque jour dit quelque chose de comment nous sommes et de comment nous voulons rentrer en rapport avec le monde. Du reste, les plus belles pages que j'ai lues sur la question de l'habillement, je les ai trouvées chez Rilke dans les carnets de Malte Loride, où il y a des pages bouleversantes sur justement qu'est-ce que ça veut dire s'habiller. Et là, on voit quelque chose de ce mystère. Alors pourquoi je prends un exemple aussi banal ? Pour réussir bien à montrer que faire confiance à ce monde symbolique, c'est quelque chose de très concret. C'est aussi qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand vous mangez ? Comment vous mangez ? Quelle nourriture vous mangez ? Tout parle, le monde entier parle, et on peut parler avec lui. Et c'est cette confiance dans la parole, laisser le monde être parole, qui devient l'épreuve du tantra. C'est vraiment, pour nous qui vivons dans un monde qui est mort, enfin, un des noyaux peut-être, un des cœurs du livre, c'est tout le travail que j'essaye de faire sur la légende du monde mort, dans lequel, ou peut-être il ne faudrait pas dire la légende, mais l'endoctrinement du monde mort dans lequel nous vivons. Et je raconte comment, quand j'étais en quatrième, on nous avait appris à disséquer des souris blanches pour comprendre le vivant et la répulsion que ça avait suscité en moi. Qui devait pressentir que voilà le monde dans lequel on m'invitait à rentrer, un monde qui est mort, dans lequel les animaux ne sont rien, dans lequel rien n'a d'existence vivante, réelle, poétique. Et le tantra a un sens crucial aujourd'hui parce qu'il nous réapprend un monde poétique, un monde enchanté, un monde vivant, mais pas du tout un monde fantasmatique, très réel, mais qui il nous apprend à refaire confiance à la manière dont le langage parle. Et de manière un peu provocante, je dis, dans le livre, à quel point, un moment crucial de mon chemin, ça a été de me rendre compte que, souvent, c'était les poètes d'Occident, qui m'aidaient à comprendre le tantra et le geste qu'a fait Shogyam Trungpa, plus que la plupart des maîtres tibétains qui ne font que rabâcher la même doctrine. À un moment, je me suis dit, mais les poètes, ils savent quelque chose de ce monde-là. Si je les lis, je vais m'approcher de ce que tous les textes témoignent, de ce que l'histoire de Tilopa et Naropa témoignent. Et lire... Rilke, Paul Celan, Marcel Proust, Kafka, c'est devenu salutaire pour comprendre ce monde-là. Et comprendre ce monde-là, c'est décisif si nous voulons revivre. Je ne sais pas comment on peut continuer à vivre dans cette fable qu'on est en train de nous imposer d'un monde purement mécanisé dans lequel nous ne sommes que des numéros interchangeables. Mais où, quand notre humanité est questionnée quant à son être même. Je parle exprès de choses concrètes pour montrer que l'engagement du tantra, l'engagement spirituel, c'est une manière de répondre de la manière la plus radicale à l'urgence où nous sommes aujourd'hui dans notre monde. À une époque, on est en train de voir que ce projet d'un monde mort, on pourra bientôt plus y vivre si on continue à utiliser le monde comme s'il était juste mort. On ne peut plus continuer à croire que les arbres, les choses, n'ont aucune importance. Vous voyez, encore une fois, Rilke qui parle sans arrêt des choses, comment les choses sont. Il faut retrouver un rapport avec les choses. Qu'est-ce que c'est un verre ? Qu'est-ce que c'est un meuble ? Qu'est-ce que c'est une chaise ? Et comment il décrit la disparition des choses par leur remplacement par des objets qui sont interchangeables, qui n'ont plus de vie. Comment on peut vivre dans une maison qui est juste une boîte dans laquelle tous les objets n'ont aucune âme ? Comment on peut vivre dans un tel monde ? Se demande Rilke. Voilà pourquoi le tantra est tellement salutaire. Il me montre pourquoi, comment, à quelle fin, dans quel chemin Il s'agit de retrouver ce monde habité. Et on voit bien que retrouver ce monde habité, c'est l'espace de transformation ou de transmutation réelle qui peut nous mettre en rapport avec l'éveil. Sans cela, on réduira nécessairement le bouddhisme à une forme soit de religiosité, pourquoi pas, ou ce qui est en train de devenir surtout le cas, un narcissisme dans lequel on se complaît de nos petites pratiques qui nous donnent un moment de paix pour être un peu plus efficace au boulot le lendemain matin. C'est pas satisfaisant. Il faut remettre ici, au cœur, l'incandescence inouïe qui est le geste du Bouddha et que le Tantra, dans tous ses maîtres, il faudrait citer Padmasambhava aussi, dont l'exemple, on considère au Tibet comme le second Bouddha, dont l'exemple aussi est animé par cette démesure surprenante et vivante. Lorsque je vous écoute, Fabrice Midal, je ne peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que vous n'êtes pas extrêmement proche de ce qu'était véritablement dans son surgissement, dans son jaillissement, la philosophie ? Je veux dire par là que lorsqu'on voit bien, lorsqu'on lit les anciens Grecs, qui parlent tout le temps de tozoon, le vivant. Mais le vivant, ça peut être aussi bien une plante, ça peut être aussi bien un objet, ça peut être aussi bien un minéral que l'homme. Ou que, éventuellement, ce qu'ils appellent les dieux, en tant que les dieux, sont des figurations, sont des images, finalement, de ce réel au-delà de tout. Et où, en même temps, en vous entendant parler de la manière de se vêtir, par exemple, je me disais, mais on sait très bien que dans l'Athènes classique ou dans le Rome classique, on reconnaissait un platonicien ou un stoïcien ou un épicurien à la manière dont il s'habillait, à la manière dont il déambulait, à la manière dont il mangeait, parce que la philosophie est un engagement de toute la vie et un engagement de toute la vie devant la brûlure de la mort. Alors, est-ce que là, précisément, nous ne sommes pas au cœur même de la vraie démarche philosophique ? Dans le sens que vous le définissez, oui. Puis j'avais envie de dire la brûlure de la mort et la brûlure de l'amour. Là, c'est tellement frappant chez Platon. Ça, c'est absolument clair. Et ce, d'autant plus que ce qui rend inaudible ce dont nous sommes en train de parler, c'est vraiment, à nouveau, cette fable du monde mort qu'on nous assène. Nous sommes endoctrinés par cette fable depuis l'école, c'est terrifiant. On nous endoctrine, nous sentons bien que c'est faux. Il suffit qu'on aille marcher dans la forêt, on se rend bien compte, il s'agit de voir les enfants devant les animaux. Donc, on voit bien que c'est pas possible. Et vous avez raison de souligner cette fable du monde mort, elle a mis beaucoup de siècles à se mettre en place. Et il faudrait ici faire une archéologie. De voir comment s'est créée cette fiction dont nous voyons bien que nous en sommes en train tous de qu'elle met en question la survie même de la planète, qu'on arrive au bout. Ça rend l'air irrespirable. Nous ne pouvons plus respirer dans ce monde-là. Donc oui, vous avez raison de souligner, dès qu'on parle d'un monde qui n'est pas prisonnier de cet endoctrinement, c'est évident que les gens sont en rapport à une entièreté de la vie. Frappante. Ça ne veut pas dire que tout est parfait ailleurs. Chaque époque a sa propre ombre et la propre chose qui la menace. Mais sans aucun doute, y a ce possible-là. Une dernière question, Fabrice Midal, c'est est-ce que, là aussi, en vous écoutant, est-ce qu'on ne devrait pas retrouver la vieille distinction que il suffit de remonter au Phèdre de Platon, par exemple, la vieille distinction entre ce qu'on appelait à l'époque la mauvaise folie et la bonne folie. Parce que j'ai l'impression que, au-delà de ce que nous avons pris l'habitude d'appeler la folie, lorsque vous parlez des fous de Dieu, lorsque vous parlez de cette sorte de folie finalement qui prend le tantrique qui arrive au bout de son expérience, nous sommes dans cette bonne folie qui précisément nous ouvre à l'immédiateté du réel. Vous avez entièrement raison. Puis là, on peut penser tout au dialogue de Ion, de Platon, qui fait vraiment, et puis dans le Phèdre, qui fait vraiment cette distinction entre ces deux formes de folie. La folie comme égarement et la folie comme on est habité par quelque chose qui vous dépasse. Et quand vous êtes habité par quelque chose qui vous dépasse, alors, ils le disent comme ça, le Dieu vient vous visiter. Quand le Dieu vient vous visiter, évidemment, vous parlez d'ailleurs que de votre ego. Je transcris en langage bouddhiste. Vous parlez d'ailleurs que de votre ego, et d'un seul coup, quelque chose se dit en vous. C'est tout à fait frappant de voir à nouveau, pour prendre l'exemple de Rilke, quand il écrit les élégies de Duino, il l'écrit sous la dictée. Ça lui vient, particulièrement quand il vit dans la deuxième étape, 10 ans après, quand il écrit à Museau. Quand il écrit, ça lui vient et il dit je pouvais même pas, j'avais plus le temps de manger, même quand je sortais, j'ai oublié d'écrire parce que ça lui venait dictée. C'est tout à fait frappant parce que de la tradition tantrique, justement pour essayer d'éviter le recroquevillement de l'institution, il y a cette idée que Padmasambhava, avant de disparaître de ce monde, quand il a introduit le tantra au Tibet, a caché partout, dans les grottes, dans le ciel, dans l'esprit de futurs pratiquants, des enseignements qui seraient vivants. Et par exemple, le cœur de l'enseignement de Shogam Trungpa, il l'a reçu sous la dictée de Padmasambhava. Et il l'a écrit comme ça. Donc on voit bien là, entre ce que disait Platon, ce que disait Rilke, ce que disait Trungpa, qu'à des moments de leur existence, des êtres écrivent sous la dictée, ils sont animés par une certaine forme de folie qui remet les choses au bon endroit. Et au fond, la folie a à voir avec cet état où on se prépare à l'inconnu qui vient vous parler de telle manière qu'on le reconnaît comme parole de vérité indiscutable. Et quand on essaie de comprendre, ça semble bizarre, et pourtant, quand ça surgit, c'est indiscutable. Mais c'est là où je me demande si ce n'est pas votre type de discours, ce n'est pas un certain bouddhisme, bien compris, et le tantrisme tel que vous nous le présentez, qui permet de comprendre cette phrase du Phèdre qui souvent nous parle, nous semble tellement étrange, lorsque Platon déclare que la folie est le bienfait de l'humanité. Parce que sans cela, la mesquinerie va régner partout, le conformisme va régner partout. La médiocrité va régner partout. À un moment, il faut que quelque chose vienne faire effraction pour nous rappeler ce qu'on a oublié, notre vraie demeure. Que nous sommes, ce que je n'ai pas du tout mentionné, mais les déités qu'on voit, c'est nous-mêmes. C'est nos portraits qu'ils nous montrent. Le mandala, ce n'est pas une image pour faire joli. C'est la vérité de notre propre monde. C'est ça qu'on essaye de nous montrer. On essaye de nous rappeler à quelque chose d'incroyablement plus grand. Alors, évidemment, il y a des traces dans les contes de fées quand on vous explique que vous êtes le roi et la princesse et qu'il y a un chemin à faire pour vous retrouver. Ça, c'est, au fond, on pourrait dire que tout chemin d'initiation, et là, on n'a pas du tout parlé de cet aspect-là, mais le tantra est d'abord un chemin initiatique, et comme tout chemin initiatique, il essaye de vous faire mourir le vieil homme pour que vous renaissiez. Et cette renaissance, vous êtes alors vraiment dans une vie plus authentique, plus grande et plus réelle. Donc, c'est évidemment, ce chemin initiatique est absolument décisif. Et la folie, est-ce qu'il nous rappelle que ce n'est pas juste une illusion, mais que ça fait parole de vérité? Et le critère ici, il n'est que dans l'épreuve que nous pouvons en faire. C'est dans l'épreuve que nous voyons si la folie fait sens, fait effet de réalité ou pas. Pour prolonger ce que nous disait Fabrice Midal, je voudrais attirer l'attention sur le livre qu'il a fait paraître, intitulé « Au service du sacré » aux éditions du Grand Est. De quoi s'agit-il au juste? c'est que le sous-titre qu'il donne d'ailleurs est parlant et énigmatique en même temps, « Sauter à l'angle moderne ». De quoi s'agit-il donc au juste, si ce n'est de réfléchir sur la poésie, particulièrement à travers la figure emblématique, si l'on peut dire, de Paul Celan, sur la philosophie, avec Martin Heidegger, et sur la peinture, avec Barnett Newman, et où Fabrice Midal essaie de voir comment, dans cet art qu'il voudrait au service du sacré, dans son sens le plus originel et le plus plein en même temps, comment on peut découvrir que la réalité nue, dans son apparition, au-delà de ce qu'il est convenu d'appeler l'apparence, mais on se rappellera évidemment que étymologiquement l'apparence et l'apparition ont la même origine, et comment il s'agit précisément d'un service de l'art et qui renvoie à toutes les distinctions qu'il avait établies dans son étude sur le tantrisme, justement, entre le service d'une part, la servilité de l'autre. Et là, il s'agit justement de se mettre au service d'une certaine façon et qui renvoie souvent à ce maître du tantrisme tibétain tel qu'il a migré dans notre Occident. Il renvoie souvent à la figure de Shogyam Trungpa, en essayant de montrer d'ailleurs comment Shogyam Trungpa est souvent en écho, en résonance avec ce que nous dit Heidegger, ou peut-être faut-il dire que c'est Heidegger qui est en résonance avec ce que nous dit Shogyam Trungpa. Tout grand peintre, que l'on songe à Titien, Rembrandt ou Chardin, sait de manière plus ou moins consciente le rien sur lequel il se pose et n'est pas dupe du fait que ce qu'il peint, c'est la peinture. Le rien est bien le seul sujet de la peinture. Le rien n'est nullement négation de ce qui est, ni non plus silence. Il est la source secrète de toute parole, comme de tout silence. Pour faire suite à ce que nous disait Fabrice Midal aussi et à ce qu'il écrivait, je voudrais attirer l'attention sur le discours du grand véhicule, la suprême lumière d'or, roi du recueil des sutras, aux éditions Vajra Yogini. Il s'agit d'une traduction du tibétain par Christian Charrier. Le discours du grand véhicule, on sait peut-être, ou on ne le sait pas forcément, évidemment, dans notre contrée, le discours du grand véhicule, on sait donc que c'est l'un des textes les plus connus à l'intérieur du bouddhisme tibétain, qui est connu pratiquement, ne fût-ce que de réputation, par tout tibétain quel qu'il soit, et qui est attribué au Bouddha en tant que tel. Et d'une certaine manière, il y a une révérence vis-à-vis de ce texte qui est supposé apporter la paix, la concorde, partout où il est récité et répandre ses bénédictions à travers sa propre récitation. Et de ce point de vue-là, évidemment, il est quand même intéressant d'avoir accès de cette façon à une tradition qui nous était inconnue jusqu'ici et à un texte qui, en lui-même, comporte énormément de réflexions, qui demande un intérêt, qui demande un effort de la part de celui, surtout occidental, de celui qui en prend connaissance, afin de descendre en lui-même et de se découvrir dans sa réalité la plus stricte. Inconcevable est la sphère du Bouddha. Incomparables sont les Tathagatas. Tous les Bouddhas sont sans cesse bienveillants. Tous les Bouddhas naissent de la pureté. Tous les Bouddhas ont la même apparence. Telle est la réalité des Bouddhas. Ensuite, dans un domaine différent, puisqu'il s'agit beaucoup plus de la civilisation chinoise, je voudrais mentionner les contes du mandarin, écrits par Elisabeth Lemire et Valérie de la Rochefoucauld, aux éditions Piquier, en édition de poche. De quoi s'agit-il, si ce n'est de l'histoire du mandarin Zhu, avec la fille de l'empereur de Chine, celle qui est appelée Soleil de l'Empire, et comment, dans un voyage dans lequel il va l'emmener, où il va raconter énormément de contes, comment ils vont rencontrer des démons, des démons, des fantômes, tout ce royaume des esprits ou toute cette population des esprits auquel croient énormément les Chinois, et comment, à partir de ce voyage qui était occasionné par le fait que la princesse Soleil de l'Empire ne voulait pas se marier, puisque, dit-elle, seuls les oiseaux sont fidèles en amour, comment elle va mettre au monde un fils Yu, qui sera appelé à son tour à devenir empereur de Chine. Et d'une certaine manière, on voit très bien comment les auteurs, Elisabeth Lemire et Valérie de la Rochefoucauld, ont travaillé principalement à partir des chroniques de l'étrange de Pu Songlin, un classique, si l'on peut dire, de la littérature chinoise, et comment elles ont essayé, en cousant ensemble tout un certain nombre d'histoires, de nous en donner une version qui nous soit compréhensible à nous occidentaux. littérature sans imaginaire n'est pas littérature. Mais l'imaginaire n'est l'imaginaire que s'il se porte aux extrêmes. Ce sont les choses les plus extravagantes qui contiennent les plus hautes vérités. La logique de l'imagination la plus débridée est celle des vérités les plus profondes. C'est pourquoi tout lettré qui dispose de quelques loisirs ne saurait s'en priver un seul jour. Enfin, je voudrais attirer l'attention tout particulièrement sur l'ouvrage d'Albert Palma, « Le peuple de la main », aux éditions Jean-Paul Balliol. De quoi s'agit-il au juste, si ce n'est de la correspondance et en même temps de la connaissance sur des années d'Albert Palma avec Henri Beauchaud. Henri Beauchaud, dont on se rappellera peut-être qu'il est psychanalyste, qu'il est écrivain en même temps, qu'il est poète, qu'il a écrit des livres qui ont marqué comme Œdipe sur la route ou comme Antigone et où, d'une certaine manière, dans son rapport entre l'écriture et la psychanalyse, il est sans aucun doute comparable à quelqu'un comme Pierre-Jean Jouve. Albert Palma, de son côté, on le sait, a été en grande partie formé au Japon, à l'université de Tsukuba, où il a travaillé aux côtés de Tadao Takemoto. Il est celui qui a introduit en France cette discipline qui s'appelle le Shintaido, et où, à travers l'épreuve de la maladie et la traversée de la maladie, on voit comme son lien avec Henri Beauchaud a été quelque chose d'absolument fondamental et qui lui a permis de découvrir des réalités en lui qui sont, si j'ose le mot, de l'ordre de la vérité. D'une certaine manière, il a fini par découvrir que la vérité est ce qui est. Je laisse mon œil rêver dans ma main. La ficelle d'un haïku accroche la lune au bout d'une branche. Le poids de la lune rompt la ficelle et le poids de ma cervelle rompt la pensée. Les livres aujourd'hui. Au service du sacré de Fabrice Midal aux éditions du Grand Est. Le discours du grand véhicule dans une traduction de Christian Charrier aux éditions Vajra Yogini. Les contes du mandarin de Elisabeth Lemire et Valérie de la Rochefoucauld en poche aux éditions Piquier. Et Le peuple de la main de Albert Palma aux éditions Jean-Paul Balliol. C'était Les vivants et les dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Fabrice Midal. Mixage Philippe Palares, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.